DJ KH. La révélation du son. Let's go. Oli Coco, les pères des familles. Hey. pour la musique. Voilà. Faut venir, faut dire. Il a dit, recherche-moi, t'auras tout ce que ton cœur désire. Tu vivras toujours le jour, elle n'a jamais été son plan. Qu'il a créé solution. T'as consumé pas les problèmes, je le sais, mais fais attention là. Et vous allez à zéro. Le duc alors. C'est du, vous allez à zéro. Maxoma, le jour se lève. Et Rick Saki. Il prend position, il récupère, il prend position, il récupère, il prend position, il fait tout. je ramène depuis Ouaga. Mais personne n'a Sougout, il a la Saoudien. Général Davila, mais Ali m'a fait ça. Sougout, oh, Douki, Yana, mais Ali m'a fait ça. C'est Y'a qu'à Sophie Rambaga Toulé. Ah, Mama si bidi bim mama dole kama bam dama bomba na si bidi dama bomba la kama samba bomba la. Okay, hey. Samba bam si bam bomba na bai. Eh, uba dole kama bomba na bai. Etan samba mama mama bomba na bai. Eh, kala maye bisi mi tipi bomba na bai. Masa besa, masa besa, masa besa, masa besa. Hey, good, good. I give up on my boy, passo lungo ya yo. I give up on my boy, pate gane Milano. I give up on my boy, buy a demo van de stao. Give up on my point, oh my point, point, point, point, oh my point, oh my point, point, point. le gros solo. Kébé, Micheline Fallé, Léa Guidibo, Karen Gessena, ah mon ami personnel, Freddy de Majonga, Léa Guidibo, Karen Gessena, Ibrahim Sina. Allez, pour vous, c'est ma bête, allez, allez, babou, à ton gué, t'as un goûté, t'as cabron, à ton gué, t'as cabron, à ton gué. Abdoul Mayala, Philippe Guy de Londres, aïe aïe aïe, la voix du succès. Et du monde entier. Ouais. Je Fatigué, Tout le monde est capuché, les mains capuchées. Dieu le serpent de rail. On est venu pour le Maguaba. Fidèle, voici Venise. C'est bon. Appelez le baby Philippe la guitare sonorita. Elle se met les dents. Hein? À fou. Elle a des cœurs. On est revoir au président Doug Saga de la Sagacité. Dédicace spéciale à tous les faiseurs de coupés décalés. Écoutez mon morceau, je suis le mannequin des arrangeurs. Serge Benoît, quoi. Boada. DJ KH on the mix. Oh, connais secret, le secret du football africain. Allez, on va danser coupé décalé à Abidjan. Oh. Allez, on va danser coupé décalé à Abidjan. Anonymous, le phénomène. Décalement, décalement, décalement. DJ Sniper. Tony tectonique, tectonique, on va danser tectonique. Tectonique, on va danser tectonique. Bandou boudou, bandou boudou, on va danser tectonique. Tournez la ré, va rouler la ré, va rouler, va rouler, va rouler la ré. Bongo na kewa, bongo na kewa. Bon va toucher mes lois. malelele. Yaya Willy j'ai dit pour ma tchatchat. Ma maman pour malelele. Quand ton enfant respecte pas ses parents, il faut corriger. Quand ton enfant respecte pas sa maman, il faut corriger. Quand ton enfant respecte pas son papa, il faut corriger. Corriger, yeah, yeah, corriger. Corriger, corriger, moi ne corriger. Corriger, corriger, yeah, yeah, corriger. Moi ne corriger, si me corriger. Corriger, corriger, yeah, yeah, corriger. Corriger, corriger, moi ne corriger. Corriger, corriger, yeah, yeah, corriger. Moi ne corriger, si me corriger. Mon don Traoré sana. Si nos yeux, il faut chanter. Je dis s'il y a des erreurs, on va corriger. Baby Philippe Wema, joue-moi la guitare. Je dis s'il y a des erreurs. Position de 3h du matin. Position de 4h comme Sommion. Yeah. Abdul Abdul de Bamba. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Du matin, position Olivier de 2h du matin, position de 3h du matin, position de 4h du matin. C'est les moments, c'est les moments. Papa Vico est grand, c'est l'homme qui a fait la banane. C'est les moments, c'est les moments. Passons tous ensemble. Momo Chivas, baby Philippe, montre-moi un peu ta batterie. Sabe o trago a fiel. Batia aí. Dela que ele é mandado. La dosia. Pour chaussures, vous tuez, tuez maintenant. Voici la gagne de Sako, fils Colby. Ça m'a son calvaire. Moi je m'appelle et elle m'a rabillé. Je suis un gogo mystique d'Abidjan. Mais qui t'a dit? Abraza, abraza, abraza. Tu seras béni. Allez, tu n'es qu'à maman. Jean-Michel Dédé. Maman, toi n'es pas la nuit. Quelle est la vie? chapo, chacha. C'est le bis sur le max, c'est coupé. Dans le bide, dans le fond, c'est décalé. C'est le bis sur le max, ça gâte. C'est le bas, c'est mon bien, c'est Chouba. Hey, bah Chouba Kaya. A blanc, t'es pas dans, c'est bah Chouba Kaya. A Chouba Kaya. Présidence, ouais, bah Chouba Kaya. A Chouba, tu Chouba. Tu m'as aussi la blanche, tu m'as aussi la blanche. A Philippe. Le chat va mouvement. big thing. Tout le monde, a woman, a woman, a woman, a bar. Hey, a woman, a woman, a woman, a bar. Tout le monde, position de woman, a bar. Kumaniata, kumaniata. Son papa, débarra la coste. Kumania, worry, a bonny man. Kumania, worry, a bonny man. Kumania, worry, a bonny man. Kumania, worry, a bonny man. Yeah. Jess, autorité claveur. Nous n'avons pas l'élément. Allez vers mon sujet.